Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Voici 3 600 000 ans, quelque part dans le berceau de l'humanité, un petit individu tombait dans un trou presque sans fin. Bien des années plus tard, ce qui pourrait être ses descendants directs ou indirects le retrouvaient et l'exhumaient de sa gangue de pierres. Littlefoot est désormais l'australopithèque, mieux l'Australopithecus Prometheus, le plus complet jamais découvert et un maillon clé de l'évolution de l'homme. Autour de cette grande découverte œuvrent Ron Clark, mais aussi Dominique Stratford, professeur à l'université de Vaas-Wittenrein, et Laurent Bruxell, géomorphologue de l'INRAP. Parce que rien ne vaut de voir le terrain, je me suis rendu en Afrique du Sud, dans la grotte de Sterkfontein, là même où le premier australopithèque fut découvert en 1924, l'enfant de Togg. Dans une savane de l'hiver austral tachetée de fleurs rouge-orangées de l'aloès du Cap, au cœur du berceau de l'humanité, j'ai retrouvé Laurent Bruxell et Dominique Stratford. À environ une heure de Johannesburg, Laurent Bruxell, nous voici sur une sorte de petit promontoire qui domine une sorte de paysage de savane. Pas n'importe lequel, puisque c'est la colline de Sterkfontein. On se situe là en plein cœur du berceau de l'humanité. Et là, le terme n'est pas abusif, puisque sous les yeux, du sommet de cette colline, on a à la fois Sterkfontein sous nos pieds, mais on peut voir les sites de Coopers, de Cromdraith, de Swartkrans ou de Drimolen, parmi les plus grands sites qui ont livré des homininés, des hominidés et de l'archéologie. Donc là, on se situe en plein cœur de l'histoire. Est-ce que ce n'est pas un seul site ? Eh bien, si on prend la définition effectivement vis-à-vis des grottes et de leur origine, où on avait un réseau très dense de galeries, plus ou moins toutes interconnectées, on avait une grotte quasiment, un réseau de plusieurs centaines de kilomètres de galeries, dont les entrées ont toutes été bouchées par des colluvions, des cailloutis, de la terre et des ossements. Donc effectivement, c'est un énorme site, très très riche, dont une infime partie a été étudiée. Comment se sont formées ces grottes ? C'est un phénomène un peu particulier puisqu'on a l'habitude des grottes qui sont creusées par des eaux courantes qui vont élargir des fissures dans le calcaire par dissolution. Ici, on a une très très longue histoire géologique avec une préparation de la roche. On est dans des dolomies et ces dolomies ont été altérées sur le long terme. On appelle ça du fantôme de roche, c'est-à-dire qu'on reconnaît la structure de la dolomie, on reconnaît même les stromatolites, les fossiles qui sont dedans, mais c'est devenu tendre. Cette faiblesse dans la roche a ensuite été exploitée. Lorsque le niveau de l'infratique s'est progressivement abaissé, eh bien les parties altérées qui étaient dans les grottes se sont sur elles-mêmes effondrées. Elles ont été exportées comme des sabliers et elles ont créé des vides, des grands vides. Et c'est pour ça que Sterkfontein, c'est 10 km de galerie, mais dans un tout petit volume. Le volume qui contient la grotte fait 200 mètres de large, 200 mètres de long et à peine 50 mètres d'épaisseur. Et là, on a 10 km de galerie. Il faut imaginer le labyrinthe en 3D que ça représente. Et ça, seuls des phénomènes d'altération intense sur le long terme, tels que la fantomisation, peuvent l'expliquer. Alors là, nous sommes dans une sorte de savane herbacée, totalement sèche, très jaune, ponctuée de forbes roses. On peut imaginer des paysages très différents ? Pas si différents que ça. On peut imaginer qu'effectivement, la roche n'était pas effleurante comme elle est aujourd'hui. On voit la dolomie sortir, on voit cet aspect un peu rocailleux. Il y avait certainement plus de sol, plus d'épaisseur. Mais sinon, le reste était globalement pareil. On était dans une espèce de savane arborée, dont on sait qu'autour des entrées, il y avait des arbres, puisqu'on a retrouvé des lianes qui pendaient dans les remplissages des grottes, mais aussi de l'herbe, puisqu'il y a des études de pollen, etc., qui nous montrent qu'on est dans la savane. Par contre, ce qui changeait, c'est qu'en bas, dans la plaine, on n'avait pas une rivière avec une forêt-galerie, uniquement une forêt qui suit la rivière, mais un véritable marécage. Et ça, on a plusieurs arguments convergents, que ce soit au niveau de la paléontologie, de la morphologie, et même des restes qui ont été consommés par les animaux, qui nous permettent de dire, oui, là, il y avait un grand marécage. C'est peut-être aussi ce marécage qui a attiré la faune, mais qui a attiré l'homme, et qui explique aussi la richesse de ce secteur. Laurent Bruxell, quel va être le programme du jour ? Mais aujourd'hui, nous sommes ce matin en tout cas sur les îles de Sacfontaine, carrément sur le site où ont été extraits les vestiges osseux d'Australopithèque, de Paranthrope et de Moabilis. Et donc nous allons reconstituer toute la séquence stratigraphique en commençant d'abord par le fond de la grotte. Donc nous allons descendre au fond de la Silbabar Grotto où a été découvert Littlefoot. On est dans le bas de la séquence stratigraphique et on va remonter le temps en direction de la surface pour finir ensuite à la fin de la matinée sur le Type Site, donc le site à l'air libre où a été notamment trouvé Mrs. Pless. Et on va finir par les derniers membres où sont contenus les vestiges lithiques cette fois-ci, les outils qui ont été taillés et qui viennent d'être datés de 2,2 millions, c'est de l'industrie oldouvaïenne. Alors que font nos amis à casser des cailloux là ? Donc ce sont des fragments de brèches qui ont été extraits par les mineurs donc au début du siècle et qui sont restés en tas et qui sont en train de réduire peu à peu en poussière afin d'extraire tous les ossements qui sont à l'intérieur. Il y a trois techniques. Soit on les casse comme ça et on extrait les os et on les recolle après lorsqu'ils sont cassés. Soit on les passe à l'acide, mais ça demande un suivi permanent parce qu'évidemment il ne faut pas que l'acide attaque l'os. Soit on le fait à la fraise de dentiste ou à la petite fraise pneumatique. Et dans ce cas-là, c'est réservé aux grands os, aux grands ensembles un peu complexes pour les extraire dans leur intégralité. Allez, on descend. On va aller jusqu'à la phréatique maintenant. C'est grosso modo par ici qu'il commence à accéder à la grotte naturelle cette fois-ci. Donc là, on vient de traverser le bouchon que les mineurs ont déblayé complètement. Vous avez vu les traces de mine. Et puis au niveau de la voûte, quasiment, ils ont ouvert un petit trou qu'ils ont appelé le Marvelous Hole. C'était le trou merveilleux. Et c'est ce qui a donné accès à toute la cavité. Donc vous imaginez comment les choses ont changé depuis. Voilà, vous pouvez venir jusqu'ici. Il faut venir quasiment là, à la verticale, sous ce point. C'est là où les rochers se sont effondrés l'an dernier. Mais si vous venez ici contre la paroi et que vous levez la tête, vous verrez un skylight, on voit le ciel. Là, il y a 30 et quelques mètres. Il faut imaginer que c'est quasiment la chute qu'a faite Littlefoot. Mais c'était ce type d'entrée, avec des arbres autour, on a des morceaux de lianes, etc. Et par cette entrée tombaient des cailloux, donc ça forme un talus, pareil, sous la forme d'un sablier. Et puis des ossements, des animaux entiers, vivants ou pas vivants. Et tout ça s'accumulait jusqu'à remplir complètement la grotte et à la boucher. Là aussi, ce sont les mineurs qui ont réouvert cette partie de la cavité. Donc on imagine bien quand on est là que si on tombe, bon maintenant il y a des entrées, mais aucun autre animal ne pouvait venir consommer les animaux morts, fractionner les os, etc. Donc on a un piège par excellence, quoi, vraiment en conservation, avec une température qui est stable, qui ne bouge pas. 17 degrés, c'est ici, c'est la moyenne annuelle régionale des températures. C'est ça la température des grottes. Donc ici c'est 17, ailleurs c'est 14, parfois c'est 4 degrés. Donc en plus on a des très bonnes conditions de préservation des ossements. Voilà, on va poursuivre la descente et on va aller jusqu'au bord de l'eau. Donc au niveau de la rivière extérieure. Donc voici dans l'eau. Donc voilà, ça c'est la nappe phréatique. Donc à partir de là, les galeries de Sacfontaine continuent, mais cette fois-ci on est sous l'eau. Donc en plongée, on peut continuer à explorer sur plusieurs kilomètres. Un véritable labyrinthe, mais cette fois-ci sous l'eau, en plongée. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Jacovec Caverne, c'est le nouveau site qui est en train de fouiller Dominique Stratford. Un crâne d'Australopithèque avait été trouvé, déjà effouillé par Ron Clark. C'est un autre talus, c'est pas la même entrée, c'est pas le même talus. Et là, on a une date qui avait été faite à l'époque autour de 4 millions d'années. Et donc là, maintenant, c'est Dominique qui reprend la fouille et qui va réchantillonner tout ça et dater surtout tout ça. Nous sommes dans une zone assez loin du centre de la grotte. Nous sommes très loin des autres dépôts tels que Sibelberg, où se trouve Littlefoot. Et on n'a jamais bien compris comment ces dépôts et les éléments d'Australopithèque qui sont très anciens et très primitifs du point de vue anatomique pourraient être associés éventuellement à Littlefoot. À partir de la morphologie et de l'anatomie, il semblerait qu'il s'agisse de quelque chose de très primitif. C'est peut-être Australopithecus africanus, voire des Africanus très anciens. Si cela remonte à 4 millions d'années, eh bien, ce serait tout à fait passionnant parce que ce serait l'Africanus le plus ancien qu'on ait jamais trouvé. Donc, on espère pouvoir poursuivre nos fouilles ici dans la voûte qui constitue le seul endroit où on trouve des sédiments d'Australopithèque. C'est donc dans la voûte ici, vous voyez. Donc, on monte vers le haut, on a mis en place une plateforme, un échafaudage, et on mène un travail sédimentologique très détaillé avec Richard Mayer. Et par ailleurs, on essaye de trouver des indicateurs paléo-environnementaux dans les sédiments. Et ça, c'est très important pour essayer de comprendre comment Australopithecus africanus, et notamment celui-ci qui est très ancien, a pu survivre dans cet environnement. Et on essaye de comprendre les ressources qui étaient disponibles. Donc, c'est un travail tout à fait passionnant. J'ai démarré les travaux il y a environ une quinzaine de jours. Donc on va monter à l'échelle. Méfiez-vous, on va arriver à une plateforme, une grande plateforme métallique, et puis de là, on pourra voir certains des sédiments. Donc méfiez-vous, ça peut être glissant. Marchez bien lentement, marchez d'un pas prudent, et voilà. Moi, je vais aller tout en haut, et je vais éclairer l'endroit. Voilà. Voilà, on est au sommet du talus sur lequel est tombé Littlefoot. Donc au pied de cet escalier de bois qui a été construit par les mineurs, qui aujourd'hui est en mauvais état, donc on ne peut plus tout à fait l'utiliser. Et c'est à partir de ce point-là qu'on va pouvoir voir les premiers éléments de stratigraphie qui nous ont permis de comprendre l'âge de Littlefoot. Donc voilà, on est là ici dans la Silberbach Grotto. Cette grotte, qui est aujourd'hui pénétrable par nous, mais en fait qui est à l'origine, est une mine. Donc ce sont parce que les mineurs à l'extérieur ont trouvé de la calcite qu'ils sont venus et qu'ils ont ouvert ce vide. Donc là on voit, ça fait une 10, en tout ça fait 20 mètres de haut, mais là on est à mi-chemin dans la salle, ça fait 5 à 6 mètres de large, et bien tout cet espace était rempli de calcite. Donc il faut imaginer qu'au début on a une grande galerie ici, une relativement grande salle. Alors au début évidemment il n'y a pas de connexion avec la surface, donc on est dans une grotte complètement fermée, isolée de l'extérieur. Au sol de cette grotte, on ne retrouve que les rochers, la calcite qui s'effondre de temps en temps et la dolomie altérée qui s'est accumulée au sol. Donc ces grottes, pendant des millions d'années, vont évoluer un petit peu toutes seules, disons, déconnectées de la surface, uniquement avec ces eaux d'infiltration qui vont les remplir de calcite, en tout cas dans les parties superficielles. Ensuite, au fur et à mesure que la surface s'abaisse par érosion, le sommet de la grotte va être recoupé par la surface topographique. Et là, cette fois-ci, on va avoir une entrée, donc un gouffre avec une entrée verticale. Et sur ces concrétions vont tomber des cailloutis, de la terre, tout ce qui traîne en surface, y compris les ossements. Et ces sédiments vont venir se plaquer contre les concrétions. Donc, ils vont donc mouler complètement les stalactites, les stalagmites. On trouve dans plusieurs sites des stalagmites recouvertes justement par tous ces cailloutis qui sont ensuite tombés depuis la surface. Donc vous imaginez les eaux d'infiltration qui viennent de là-haut, grosso modo de cette partie ici, la concrétion qui se forme au début contre la paroi, et puis qui grossit vers nous, qui se développe, qui va faire plusieurs mètres d'épaisseur. Et vous voyez ici sur la droite, regardez ces formes arrondies que l'on a là. Eh bien ça, c'est l'impression, c'est la surface de l'ancienne coulée stalagmitique. Donc on imagine la concrétion qui se développe vers là. Et puis à ce moment-là, certainement, l'entrée s'est ouverte, et des cailloutis vont tomber de la surface et vont mouler la concrétion. Depuis, les mineurs ont extrait tout ça. Ils ont laissé les brèches, ça ne les intéressait pas. Et nous, c'est là-dedans, bien évidemment, qu'on a tous les fossiles. Alors, je vous disais, la grotte, au début, elle est déconnectée complètement de la surface. Puis, lorsque l'entrée s'ouvre, ça va faire comme un sablier, c'est-à-dire que le fond de la grotte va peu à peu se remplir de brèches. Et on est là, ici, dans les premières brèches, les premiers éléments qui contiennent des fossiles. Donc, dès que ça s'ouvre, on piège des éléments de la surface, et donc des fossiles. Et on est dans ce qu'on appelle le membre 2. Le membre 1, c'est ce qu'on a sous les pieds, c'est totalement stérile, on est dans la cavité. Et le membre 2, c'est cette brèche ici, là, et donc il y en a plusieurs mètres d'épaisseur, qui est un peu rosée, et c'est dans ce membre-là que se trouvait Littlefoot. Bon, alors je vous livre ce dessin qui n'est pas publié, qui est la coupe de cette salle ici, donc de la Silberbach Grotto, où on a reporté un peu chaque membre en coupe, chaque formation sédimentaire, afin de bien montrer la géométrie des talus. Et donc vous voyez, ce membre 2, c'est cette couche qui est ici, qui redescend là en contrebas, et qui englobe donc le fossile Littlefoot, qui est l'étoile rouge qui est ici. Ensuite, on a un petit arrêt de la sédimentation. Donc peut-être parce que l'entrée se colmate, on ne peut pas imaginer que des blocs sont venus la fermer. Et cette fois-ci, on passe d'une accumulation de blocs à une sédimentation qui est chimique, c'est-à-dire la formation de stalactites et de stalagmites. Et ça, c'est très important, et ce niveau, jamais personne ne l'avait encore vu, et il est majeur, vous allez voir pourquoi. C'est un petit plancher stalagmitique qui recouvre le membre 2. Et ce plancher stalagmitique, je peux vous montrer, il est là à la voûte. C'est cette couche blanchâtre qui est là, vous la voyez ? Elle est là, elle passe ici, elle vient ici, et elle redescend de l'autre côté, elle est là. Elle moule parfaitement la forme du sablier qui s'est formé, qui chapeaute le membre 2. Et ce plancher n'a encore jamais été daté, parce qu'il n'avait pas été vu. Donc on y a mis une échelle, on est monté, on l'a prélevé. Et on devrait avoir les résultats de cette date courant en été. Et ça, c'est le deuxième contrôle au niveau de la datation, puisque lui nous dira quel âge a au minimum le membre 2. Alors ensuite, eh bien, l'entrée certainement se réouvre. Et de nouveau, des sédiments caillouteux vont venir et vont tomber. Et vont remplir, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle le membre 3, vont remplir tout le reste de la cavité, quasiment jusqu'à la surface. Donc là, il y a plus de 10 mètres d'épaisseur de brèche, très riche en fossiles. Et là aussi, c'est pour vous dire qu'il reste du travail. Cette brèche n'a jamais été fouillée. Donc voici où a été positionné, où a été découvert Littlefoot. Alors d'abord, lorsque les assistants de Rand Clark le découvrent, il faut imaginer que ce n'était pas dégagé comme ici. On avait une espèce de grande marche avec une coupe face à nous, dans laquelle eh bien, il y avait la section d'os, la section de tibia qui a été identifiée, qui a été reconnue. Donc vous imaginez donc que les assistants de Rand Clark, ils avaient juste le moulage de la partie distale du tibia. Ils rentrent dans cette grotte, vous avez vu les dimensions. Aujourd'hui, elle est propre. À l'époque, c'était une mine. Donc, il y avait encore tous les blocs partout, la poussière, on n'y voyait strictement rien. Et pendant un jour et demi, donc, ils ont essayé de trouver l'endroit où la section d'os pouvait correspondre. Et là aussi, vous avez vu combien de sections d'os on a vu. Donc, ça veut dire que chacune a été testée, etc. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à cet endroit-là et qu'ils localisent où était positionné le tibia de Littlefoot. Donc, à partir de là, Ron Clark s'est dit, il est là, mon fossile. Vu que j'ai les deux pieds, je suis certain qu'il y a un australopithèque qui est complet quelque part dans la grotte. Maintenant, je sais qu'il est là, donc il attaque la fouille. Il commence à dégager les jambes. Alors, pour sa position, les jambes étaient un petit peu vers vous. Il y avait le corps qui était ici, un bras qui était tendu là derrière, et le crâne qui était ici, qui regardait vers le bas. Et donc, Ron Clark commence à dégager les jambes. Donc, il trouve les tibias, la partie inférieure des fémurs. Et puis, d'un coup, il trouve plus rien. Donc le squelette s'arrête juste aux deux fémurs qui étaient cassés. Et là, grosse période de doute, puisqu'il ne trouve absolument rien. Il y a un plancher stalagmitique, il s'est dit, mais c'est pas possible que j'ai que les jambes et que j'ai pas le reste du fossile. Il a dû se passer quelque chose. Et comme il n'y avait aucune hypothèse qui pouvait expliquer qu'un fossile arrive juste avec ces deux morceaux de jambes côte à côte, il dit, certainement, il y a eu un petit effondrement, et peut-être qu'il se trouve un petit peu en dessous. Donc il décide de traverser le plancher stalagmitique, et au bonheur, il touche le sommet du crâne qui était ici. Et donc là, il sait que cette fois-ci, il est entier, et donc il le dégage. Donc ça veut dire qu'on avait les jambes en haut, un bras qui était en l'air, et une petite partie du corps qui s'était effondrée de quelques décimètres, et qui avait ensuite été recouvert par le plancher de calcite. Donc il y a eu une petite suspense et une petite crainte à un moment, alors qu'il était persuadé d'en avoir un entier, et voilà, il a eu une petite période de doute. Et ensuite, donc pendant 15 ans, eh bien voilà, il va y avoir l'extraction à la fraise de dentiste avec le compresseur, comme on a vu à l'extérieur, et ils vont fouiller tout ça, le dégager complètement. Alors, il n'est pas tout seul, Littlefoot, puisqu'il y a d'autres vestiges associés. Il y a une mandibule de léopard. On rappelle, il y a du carnivore associé. Donc déjà, on est dans un talus de grotte où il y a de l'australopithèque, mais il y a aussi d'autres ossements qui tombaient avec lui. Alors voilà, donc, on avait un fossile exceptionnel, le seul australopithèque quasi complet au monde. Le seul problème, c'est qu'on n'arrivait pas à les dater. Donc Ron Clark, lui, était convaincu, d'après les traits du fossile, tel que vous voyez qu'il était ancien. Et la première analyse va être faite dans les années 90, c'est Tim Partridge, le géologue de l'équipe à l'époque, qui va faire du paléomagnétisme. Donc, comme il y a des planches de calcite, il va les mesurer, il va mesurer l'orientation du pôle magnétique qui a été enregistré. Et d'après ses calculs, et puis aussi d'après ce que pense Rand Clark, il dit, ben oui, ça a l'air d'être 3,3 millions d'années. Il faut savoir que le paléomagnétisme n'est pas une datation absolue, c'est relatif, on a juste pôle positif, pôle négatif. Donc c'est un peu comme un code barre, et donc on peut le déplacer un petit peu où on veut. Il faut évidemment d'autres éléments. Donc en 1999, là, on va tester une nouvelle méthode qui sont les cosmogéniques. Donc il faut savoir qu'à la surface du sol, tout ce qui est à la surface du sol est bombardé par du rayonnement cosmique. Et ces rayonnements cosmiques vont produire des isotopes différents lorsque ça va nous heurter à nous, heurter la végétation, heurter le sol. Et dans le quartz, ça va créer notamment de l'aluminium et du béryllium. Donc il faut vraiment que les roches soient exposées pendant très très longtemps. Puis par contre, une fois qu'elles sont enfouies sous terre, ou sous plusieurs mètres de sédiments, eh bien ce taux d'aluminium et de béryllium va décroître. Et comme les deux éléments n'ont pas les mêmes temps de vie, ils vont décroître de manière différentielle. Mais comme on connaît leur point zéro qui est le même, c'est lorsqu'ils sont en surface, eh bien il suffit de mesurer l'aluminium et le béryllium, de faire un rapport, et on peut savoir grosso modo depuis combien de temps ils sont enfouis. Voilà. Et cette datation, en 1999, donne 4 millions d'années. 4 millions d'années avec une fourchette d'erreur assez grande. Hein. Et alors là, à l'époque, tout le monde dit « Oh là là là, mais non, c'est beaucoup trop vieux, 4 millions d'années. Vous vous êtes trompé, vous n'avez pas daté le fossile, vous avez daté les sédiments qui sont autour. Des sédiments qui étaient peut-être déjà dans la grotte et qui sont tombés avec le fossile, et vous ne datez pas le fossile. » Sur ces entrefaits, d'autres géologues viennent ici. Cette fois-ci, ce sont des géochimistes, des spécialistes de la datation des planchers de calcite. Alors, lorsque les dateurs sont arrivés ici, ils se sont dit « Mais c'est fantastique, on a un sandwich ici. Là, on a de la brèche. Là, on a de la calcite. Là, on a de la brèche avec Littlefoot. Dessous, on a de la calcite. Donc, c'est très simple. Il suffit qu'on date la calcite qui est dessus, la calcite qui est dessous, et on aura l'âge de Littlefoot puisqu'il est entre les deux. » Ils font cette analyse-là, et ça donne 2,2 millions d'années. Sauf que là, ça laissait Ron Clark un petit peu pantois, d'abord parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'il pouvait imaginer du fossile. Je vous ai dit que Littlefoot était en deux parties. Donc il y a une partie qui était au-dessus, c'est celle qu'il a trouvée tout de suite lorsqu'il trouve les os, et puis une partie qui était légèrement effondrée. Et entre les deux passe un plancher de calcite. Et ça, déjà, Ron Clark disait, il y a un problème. Soit le fossile tombe sur la calcite et elle est dessous, soit la calcite se forme après lui et elle est dessus. Mais comment est-ce que la calcite peut passer entre les deux parties du corps? C'est certainement qu'il y a eu un problème, qu'il y a eu un effondrement, et que cette calcite vient plus tard. Donc déjà, il y avait le doute qu'il y avait un problème avec la calcite. Et donc c'est sur ces entrefaits qui me fait venir en 2007. Et voilà, il me montre le fossile qui était encore là. Et là, il me dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a un problème. Moi, je pense que ce fossile est plus vieux. Les dates donnent des choses à 2,2 millions. Quel est le problème? Alors, on s'est dit, tiens, il y a peut-être des problèmes de géochimie. Est-ce que les planchers, finalement, ont bien préservé l'information? Est-ce qu'ils sont vraiment datables? Et puis, j'ai regardé un petit peu en détail et je me suis aperçu qu'ils avaient des morphologies bien particulières, ces planchers, qui ne sont pas les coulées de calcite dont on a l'habitude. Vous savez, lorsqu'une stalagmite se forme ou lorsqu'une calcite se dépose, ça forme des formes très arrondies, très souples. C'est de l'eau hein, qui ruisselle, c'est un film d'eau qui ruisselle. Et donc, ça va venir gommer toutes les irrégularités du sol pour faire des formes très arrondies. Vous avez vu les espèces de coupoles qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la calcite quand elle se forme normalement. Mais si je vais monter ici un petit mètre au-dessus, et vous allez voir comment ça se passe, on a ici des dispositifs tout à fait différents. Regardez ici, là on a un plancher de calcite qui est là. Vous voyez, qui s'est développé. Mais regardez son sommet, il est assez curieux parce qu'il vient englober ici un bloc. Or la calcite, lorsqu'elle se dépose, c'est dur, c'est pas comme la lave qui refroidit. Donc il n'y a aucune raison qu'un bloc qui tomberait secondairement vienne s'imprimer dedans. Vous voyez ? Si un bloc était tombé sur un plancher de calcite, il viendrait simplement reposer sur sa surface. Or là, le bloc, il est complètement imprimé dedans. Et bien ça, c'est simplement parce que cette calcite est venue se mettre en place dans un vide. Il faut imaginer que la brèche a été altérée, la partie ici a été évacuée, et on a des blocs qui pendaient du plafond et qui étaient en relief. Et lorsque la calcite s'est déposée, couche par couche, elle est venue ensuite ensevelir les blocs qui dépassaient. Elle a fait exactement pareil pour Littlefoot. Les os qui restaient au-dessus de ces vides et qui pendaient ont aussi, eux aussi, été ensevelis par cette calcite. Et donc là, on a la preuve très claire que cette calcite est secondaire, qu'elle vient combler des vides qui se sont formés au sein de cette brèche, et elle est venue finalement ensevelir voilà, tous les vestiges. Donc en 2014, on a publié ça et on a dit, mais voilà, les planchers de calcite ne peuvent pas être utilisés, ces planchers, hein, ne peuvent pas être utilisés pour dater Littlefoot. Voilà. Ils sont tardifs, ils n'ont rien à voir avec Littlefoot et avec la brèche. Et donc, à partir de là, eh bien, ça veut dire qu'on annulait toutes les dates qui rajeunissaient Littlefoot. Et il ne nous restait plus que quoi? Ben, finalement, la datation paléomagnétique, qui vaut ce qu'elle vaut, les interprétations et les idées de Ron Clark quant à la morphologie du fossile, la présence aussi d'autres faunes, et notamment une hyène qui a été trouvée dans ce membre 2, qui est une même hyène qui est connue en Éthiopie, et qui, elle aussi, autour de 3 millions, 3 millions 5. Voilà. Et donc, on a été prudent dans l'article de 2014. On a juste dit, ben, on peut pas se baser sur les planchers. Donc, on repart finalement dans une histoire longue en disant, ben, Littlefoot, il a plus de 3 millions d'années. Voilà. On n'est pas allé plus loin et on n'avait pas la date. Hein, on n'a pas fait de, on n'a pas caché les résultats. Et là, c'est cela que c'est intéressant aussi, c'est que c'est suite à cet article que l'équipe américaine de Daryl Granger, donc de Purdue University, qui avaient déjà fait des datations ici, hein, c'est eux qui avaient fait les dates en 1999. Ils avaient tous les échantillons et ils ont vu que cette fois-ci, on avait compris la stratigraphie. Ils ont dit, ben maintenant, on peut refaire des dates. On a des meilleurs moyens techniques, hein, on a des, voilà, des machines plus évoluées. On contrôle la stratigraphie, et donc relançons les dates. Et donc là, cette fois-ci, ils ont daté 11 échantillons. 9 ont donné une date autour de 3,7 millions. Donc avec un isochrone très bon, c'est-à-dire que toutes les dates sont alignées sur une même droite. Et ça, ça répond aussi à un argument très important, c'est-à-dire que lorsqu'on a toutes les dates qui sont sur le même isochrone, c'est qu'on est dans un sédiment homogène qui s'est mis en place en même temps. Et donc ça balaye très clairement toutes les hypothèses de remaniement de sédiments potentiels qui avaient été avancées par les détracteurs, ceux qui voulaient rajeunir Littlefoot. Laurent Broxel, nous voici à l'extérieur de la grotte de Sterkfontein, là où même ont été trouvés plusieurs ossements et notamment quelques australopithèques. Oui, donc c'est le site, c'est le type site, donc c'est vraiment le site éponyme de Sterkfontein, c'est par là que tout a commencé. Et c'est notamment ici qu'a été trouvé les premiers fragments adultes d'australopithèques. Voilà, puisqu'en 1924, on trouve Tongchild, qui est un enfant australopithèque, un enfant de 4 ans. Tous les paléanthropologues rêvaient de trouver un crâne adulte pour confirmer l'existence du genre australopithèque. Et c'est ici à Sterkfontein qu'ils vont trouver les premiers fragments. Et en 1947, Robert Broom, là, cette fois-ci, va trouver un crâne complet d'australopithèque, qui est Mrs. Pless, et qui est là, contre la paroi nord du site, qui était piégé encore dans la brèche. Et c'est après un dynamitage qu'il a soulevé la grosse dalle et il a vu dessous le crâne qui était coupé par le dynamitage, mais qui était entier. On pense désormais qu'il s'agit d'un mâle. Oui, il est bien possible, ça effectivement, donc d'après la morphologie du crâne et surtout les éléments de comparaison, puisque maintenant on a les comparaisons mâle-femelle, il y a effectivement toutes les chances que Mrs. Pless soit en fait un mister. Ici nous sommes dans une sorte de chaos, de brèche, avec des trous, on est directement au sommet de la grotte. Oui, on est quasiment au point le plus haut actuel, évidemment, puisque depuis l'érosion, on a fait disparaître une petite partie. Mais tout à l'heure, nous étions dans la grotte, dans les plus anciens membres, donc des membres qui sont autour de 4 millions d'années avec Littlefoot. Et là, au gré de notre ascension, on vient de remonter dans les parties hautes, et on est dans les séquences les plus récentes. Donc on avait le dernier niveau avec Mrs. Pless, qui est le dernier niveau qui contient des australopithèques. Et ensuite, on vient de passer ici dans le membre supérieur, qui voit apparaître Homo habilis et les paranthropes, et surtout les premiers outils que nous venons récemment de dater de 2,2 millions d'années. Donc voilà, on est dans le sommet du remplissage de la grotte, de ce sablier, avec l'histoire finalement peut-être la plus récente de ce site. Dès que Ron Clark a un fossile ou un doute, effectivement, il l'amène ici, il va le comparer, et c'est par ces exemples-là qu'il va voir si c'est un mâle, une femelle. Si c'est un paranthrope, un australopithèque, évidemment, ça, il le saura déjà. Mais il a là, sous les yeux, tous les moulages des principaux fossiles qui ont été découverts en paléanthropologie. Par exemple, un fossile qui est très particulier, vous voyez, c'est extrêmement massif, des dents très larges, une face très plate. Ça, c'est le Paranthropus robustus. C'est cette hominidé qui était essentiellement herbivore et qui a coexisté avec Homo habilis. Dès qu'il apparaît ici à Sterkfontein dans le membre 5, le fossile éponyme a été découvert à Condrail, justement, par un jeune écolier. Voilà. Et donc depuis, eh bien, on a le mâle, on a la femelle. Vous voyez que, du coup, quand on s'amuse à faire la comparaison, on voit celui-ci avec une face très plate, on voit celui-là avec une face très plate. Et du coup, ensuite, il suffit de trouver juste des morceaux, comme ça, et on peut savoir tout de suite que c'est un fragment de paranthrope. Il y a ensuite de l'australopithèque. On va aller un peu plus là-bas. Plus sur la gauche, on va se déplacer vers les australopithèques. Voilà, ici. Typiquement, ça, c'est le moulage de Mrs. Pless. Mrs. Pless avec ici la cassure qui est liée au dynamitage quand Robert Broom l'a extraite. Et vous voyez déjà que la face est beaucoup moins plate. Voilà, quand on compare très bien, on voit une face beaucoup moins plate, le maxillaire qui avance beaucoup plus ici, des dents beaucoup plus petites. Et donc effectivement, voilà. Donc Australopithèque, on est là jusqu'à 3 millions d'années, et déjà ici les paranthropes qui apparaissent. Ça donne énormément d'informations, les dents à la fois sur la croissance, sur la maturité, etc. Mais aussi effectivement sur le type d'alimentation, que ce soit par leur morphologie, leur usure, mais aussi par le tartre. Puisque dans certains fossiles, comme Célibat, et c'est aussi le cas pour Littlefoot, il y a encore du tartre entre les dents, et dans ce tartre on peut trouver des restes de végétaux, notamment des phytolithes. Donc ça devient extrêmement intéressant, puisqu'on peut avoir une idée du régime alimentaire. Les phytolithes, ce sont des petites aiguilles de silice qui sont dans les végétaux, dans les herbacées notamment, et qui du coup sont extrêmement résistantes. Voilà. D'où l'importance de ne pas toujours se brosser les dents pour garder ce témoignage. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Claire Levasseur, avec la contribution de Catherine Donnet, traduction Xavier Combes. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver sur le site inrap.fr plus de 300 archives de l'émission. La semaine prochaine, on a marché sur la dune ou la découverte de pas préhistoriques sur une plage française.